à la belle impérieuse. L'amour, panique de la raison, se communique par le frisson. Laissez-moi dire, n'accordez rien. Si je soupire, chantez, c'est bien. Si je demeure triste à vos pieds, et si je pleure, c'est bien, riez. Un homme semble souvent trompeur, mais si je tremble, belle, ayez peur.